12-4 observation, prononciation, alternance vocalique. Nous prenons, ils prennent. Nous nous promenons, ils se promènent. Écoutez et comparez. Nous comprenons, ils comprennent. Vous vous promenez, ils se promènent. Nous nous appelons, je m'appelle. Vous remarquez que le « e » du radical de ces verbes se prononce différemment dans la colonne 1 et dans la colonne 2. Dans la colonne 1, ce « e » se prononce « e » comme dans « le ». Dans la colonne 2, ce « e » se prononce « e ». Remarquez que dans la colonne 1, le « e » se trouve dans une syllabe ouverte, c'est-à-dire une syllabe qui se termine par un son de voyelle. Comprenons. Dans la colonne 2, le « e » se trouve dans une syllabe fermée, une syllabe qui se termine par un son de consonne. Comprenne. Notez que le son « e » est représenté par « e » accent grave dans « promène » ou par « e » suivi d'une double consonne dans « appelle » ou « comprenne ».